9. Tu crois que je bug man, j'ai le buzz d'un gars qui a esquivé 9 balles. Quoi tu blagues pas? Et toi quoi de neuf? M'en parle pas, je crois que je pars pour finir pareil. Quoi de neuf? Pledge, au fond rien finalement. Le monde est dans le coffre d'un gamot de firme allemande. Ancien comme le boom bip de Q-tip, de boom, de bip, de boom bip. Rien qu'on fait que du neuf avec d'anciens. Même tes potes qui le savent, c'est les potes qui veulent ça. Quoi de neuf, Ahmad, on te rattrapera. Quoi de neuf, ouais. On te rattrapera, man. C'est cyclique, politique et fiche de paye. Et dans 10 piges, ma fille votera contre la fille de Le Pen. Les petits agacent, grave, les flics agressent. Nouvelle acupuncture, mais avec des piques à glace, merde. Quoi de neuf, même bise, même cuite, même bluff, même vis. 7, 8, 9, oh, quoi de neuf. Pledge, un foyer pour allier. Nouvelle alliance, pledge à Mad, boumoyer. Ne me demandez pas, quoi de neuf. Tu crois que je bug, man, j'ai le buzz d'un gars qui a esquivé 9 balles. Ouais, tu blagues pas. Et toi, quoi de neuf? M'en parle pas, je crois que je pars pour finir pareil. Ne me demandez pas, quoi de neuf. Tu crois que je bug, man, j'ai le buzz d'un gars qui a esquivé 9 balles. Ouais, tu blagues pas. Et toi, quoi de neuf? M'en parle pas, je crois que je pars pour finir pareil. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Toujours pas de thunes et une vie entre deux. Intermittent sans contrat, tu comprends, j'ai dû choisir. Et le rap est pas vif, plus de promo, dit de magie. Ok. Forcément j'atterris, enfin j'essaie. Tu sais, je fais les intérims et puis je passe des tests. Je vois repart sur Paris, plus de rap en tête. Juste la réussite, enfin un appart et un salaire. Il faut que je m'aime. Construit, je crois, avant que je meure. Con et sinistre à ce moment-là. Change de priorité, vie oblige. Garde mon intégrité et tout ce que l'État m'autorise. Être autre, ça m'irait mal alors. Pas de bluff, et oh, ça m'ira mal, dis-moi alors, quoi de neuf? Ne me demandez pas, quoi de neuf? Tu crois que je bug, man, j'ai le buzz d'un gars qui a esquivé 9 balles. Quoi, tu blagues pas? Et toi, quoi de neuf? M'en parle pas, je crois que je pars pour finir pareil. Ne me demandez pas, quoi de neuf? Tu crois que je bug, man, j'ai le buzz d'un gars qui a esquivé 9 balles. Quoi, tu blagues pas? Et toi, quoi de neuf? M'en parle pas, je crois que je pars pour finir pareil. C'est sûr, j'ai moins de succès que prévu, moins de joueurs et moins de reconnaissance que je devrais avoir. Mais j'ai développé une patience, une ruse. Depuis, je me rends, je suis l'incognito de ma rue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère, en plus? Comme tout le monde, je pisse ou râle devant des horaires de bus. Et puis, je m'épuise dans des tafs pour la monnaie. C'est elle qui me lève, heureusement, sinon j'aurais pu vivre trop dangereusement. J'ai vu demain me faire au revoir, Ahmad le médium, en Nike Jordan, man. Ici l'esclave moderne vous dit merde, mais le maître à la cote, à vos applaudissements, mec. Quoi de neuf, j'ai faim et soif, de sain et stuff, et le seum pour sortir malsain et sauf. J'ai appelé à l'aide, je suis tombé sur répondeur, tu crois que je bluffe, et oh les gens, quoi de neuf? Chaque jour j'ai le cœur bien accroché car la misère parle. On raconte que la vie sur un mec. Ouais. Ne me demandez pas, quoi de neuf? Tu crois que je bug, man, j'ai le buzz d'un gars qui a esquivé 9 balles. Ouais, tu blagues pas. Et toi, quoi de neuf? M'en parle pas, je crois que je pars pour finir pareil. Ne me demandez pas, quoi de neuf? Tu crois que je bug, man, j'ai le buzz d'un gars qui a esquivé 9 balles. Ouais, tu blagues pas. Et toi, quoi de neuf? M'en parle pas, je crois que je pars pour finir pareil.